Chapitre 5e. Les feuilles entourant les fleurs faisaient de l'ombre aux arbres. Cet orage fut le dernier du printemps, le dernier rafraîchissement du ciel. Les naissances étaient terminées, il n'y aurait plus de fleurs, plus de bourgeons, plus de déchirements. Les feuilles entourant les fleurs faisaient de l'ombre aux arbres. Il aurait fallu que le chat comprenne que Paul n'était pas son chaton. D'ailleurs, quelle différence entre Paul et un chaton? À 10 mois, Paul ne savait ni parler ni ramper, il était muet et paralysé, presque nu sur l'herbe. Et moi, je voyais, comprenais, toute sa faiblesse exposée, tant de fragilité me faisait monter les larmes aux yeux. J'en étais même devenue prisonnière. Lorsque je fermais la porte de sa chambre et qu'il ne voulait pas dormir, ses yeux m'adressaient une prière invisible devinée dans mon dos. Je ne pourrais plus jamais dormir tranquille. Le chat suivait Paul de toutes ses tâches et dans l'ombre des feuilles, et dans les promesses des fruits. Partout où se découpait le corps potelé de Paul, s'opposait celui élancé, pur, du chat, dans la salle de bain, dans la cuisine, contre l'herbe, contre le ciel. Si le chat n'avait remarqué Paul que depuis l'orage, en revanche, Paul l'avait depuis longtemps enregistré comme fort intéressant dans son univers. Je donne les éléments qui vont suivre dans l'unique intention de comprendre l'intensité de la relation entre ces deux personnages silencieux. À ma connaissance, le chat demeure le seul animal dont toutes les émotions peuvent se lire au travers de l'orientation des oreilles, pupilles et battements de queue. J'avais allaité Paul sur une vieille chaise à bascule. Il en avait conservé un drôle de balancement d'avant en arrière, buste, bras, jambes, d'un seul tenant. Dès janvier, Paul oscillait vigoureusement d'avant en arrière, comme sur la chaise à bascule, au risque de chavirer dès qu'il apercevait les taches blanches et noires. Pourtant, Paul savait le chat insaisissable. Un peu gêné par tant d'admiration, le chat jetait un œil perplexe sur cette masse rose, puis miaulait vers moi l'air de dire « Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là » Le chat disparaissait alors d'un bond leste, laissant imprimer le S noir de sa queue se découpant contre le ciel. Jambes écartées, plis sur la cuisse, Paul, qui ne pouvait rien saisir, rien attraper, le regardait s'éloigner, bouche ouverte. Yeux écarquillés, Paul me consulte de l'œil, l'air de dire « Pourquoi ?» Mais moi non plus, je ne sais pas. Alors j'écarte les bras du corps et m'éteins aussi un « da » de résignation. Même poids, même surface corporelle, Paul et le chat sont à égalité. Comme ces bombes qui explosent orange, ces bourgeons visqueux qui éclatent blanchâtres. Sur le plan du langage, Paul ne sait que moduler son « da », ce qui vaut bien un miaulement. Pourtant, ils dépendent entièrement de moi. S'ils pèsent le même poids, occupent la même surface corporelle, moi seul peux les nourrir, leur apporter de l'affection. « Paul, » dis-je, sa figure se fend en abricot. Il remue 10 doigts, entraînant autant de fossettes. Puis il retourne à sa principale occupation, retirer ses chaussettes ou arracher des brins d'herbe. Le chat, que j'appelle avec toujours la même intonation de la voix, tourne aussi la tête vers moi d'un air un peu distrait, orientant les oreilles dans ma direction. Il lève un début de queue pour montrer que oui, il m'a repéré, puis fixe passionnément parmi les hautes herbes un éphémère, un papillon jaune, enfin quelque chose que je ne vois pas. L'attention qu'ils me concèdent l'un et l'autre ne dépend somme toute que de leur degré de faim. Parfois, ils m'accordent quelque tendresse, toujours en silence. Aussi Paul appuie-t-il ses joues, son nez, contre mon visage. Son souffle court, précipité, se renvoie sur le mien. Il susaute ma joue, m'aspergeant de salive, me tire un peu les cheveux, puis, quand il en a assez, me repousse du plat de la main. Le chat me donne aussi le même genre de baiser sauvage. Brusquement, il s'accroupit en forme de tortue, laissant seulement dépasser ses pattes blanches, avance un museau rose, yeux clos, et m'assène un ou deux petits coups froids et mouillés. Et il faut savoir ne pas réclamer davantage. Combien de temps un chat peut-il adopter un bébé après la noyade de ses chatons? Cela durera le temps de l'ombre des feuilles sur les fleurs. Un peu plus d'une semaine, 10 jours. Court peut-être, suffisamment pour faire des milliers de morts. Le comportement du chat était passionnant, mais déroutant. Il passait désormais ses nuits à ronronner devant la chambre de Paul. Sa gueule de chien fidèle entre les chaussons blancs des pattes, il lâchait de profonds soupirs. Durant presque 10 jours, les après-midi se ressemblèrent. Paul émergeait de sa sieste, toujours grognon. je l'installai sur l'herbe en compagnie de sa peluche, une fraise rouge et noire. Il semblait prendre l'herbe pour une suite naturelle du berceau. Au bout d'un certain temps arrivait le chat qui se plaçait assez loin de lui, un mètre au moins, disposant sa queue autour de ses pattes blanches. Sous son nez rose, il lui souriait de façon triangulaire. Au 20e jour de guerre exactement, Paul porte une salopette rayée, retroussée sur le pli de ses cuisses. Il se tient bien droit désormais, sans effort aucun. Sa colonne vertébrale grimpe vers le ciel comme une jeune tige de bambou. Ah, voici le chat. Il a repris de sa vigueur au fur et à mesure de l'augmentation des morts, poils aussi brillants que les yeux. Le chat se fraye un chemin parmi les herbes, entre les ombres. Il s'allonge dans un carré jaune de lumière. Son pelage de convalescent, ébouriffé par-ci, plaqué par-là, gonfle sous la chaleur du soleil. De ses oreilles noires sortent de grosses touffes blanches que le vent chatouille. Soudé dans des épaules étroites, le crâne de Paul pivote. Il penche la tête en arrière de plaisir, relève la pointe des pieds, tandis que deux points lumineux s'allument dans les iris. Il a vu le chat. Alors Paul se mit à parler. Je veux dire qu'il déplie lèvres, langue, palais, et souffle ce da, nouveau, court, précis, qui devient le da du chat. Se sentant nommé, le chat fouette l'air de sa queue, puis se mire en son regard admiratif. Il étend dans l'herbe ses pattes qui font deux taches blanches contre le vert. Paraît prendre un plaisir indicible à les voir là, comme s'il venait soudain de les retrouver, à moins que son ventre ne lui empêchait de les placer ainsi, tendus. Le chat avait habilement calculé une distance qui l'empêchait d'être touché. Il se lèche une patte, puis, très rapidement, un bout de ventre blanc, la pointe noire de la queue. À cette toilette un peu fragmentée, je devine sa pensée tendue vers l'être rose à sa gauche. Paul, qui n'avait jamais vu le chat de si près, ni si longtemps, respire à petits coups soufflés. Les ailes du nez se contractent, se dilatent dans l'air chaud d'avril. « Da !» répétait Paul, son premier vrai mot. Et avril dilatait aussi ses sucs, ses fibres et ses pétioles. Combien de temps dura encore cette scène ? Si Paul, lui, ne pouvait maintenir longtemps une concentration, je savais le chat capable de demeurer dans une position lâche, abandonné des heures durant, puis, d'un seul coup, jaillir, bondir sur ses pattes. Nerveusement, cet être m'était infiniment supérieur. S'ils avaient parlé, ce dialogue aurait suffi. « Ton poil est beau, il brille sous le soleil », aurait déclaré Paul en tendant une main avide. « Tu peux m'admirer, mais ne me touche pas », aurait sifflé le chat. Et je me dis que les mots servent peut-être à gagner du temps, à raccourcir les choses, une explication comme une autre. Non, je ne regrette pas le choix de personnages qui ne parlent pas. Leurs silences sont plus éloquents que tous les bruits de faux bijoux du monde. J'aime le silence qui allonge, étire, tandis que le bruit écourte, énerve. Le silence de la télévision est aussi bavard que ces horribles images. Nul besoin d'entendre claquer les bombes pour savoir qu'elles tombent, ni besoin d'entendre les bruits des vitres cassées pour savoir qu'on pille, ni besoin de voir les bouches ouvertes pour savoir qu'elles crient. Vraiment pas. Vint le flétrissement des pétales, le temps des enfants qui jouent dehors. Les chatons, leurs cinq queues raidies, joueraient dans toute la maison, comme le faisait Paul avec tout ce qui roulait. Balles, billes, bouchons. Retranché derrière son masque japonais, le chat-mère les surveillerait. Comme Paul me tire le nez, les cheveux, les chatons mordiraient les oreilles, la queue. Car sous l'œil maternel du chat, sous le mien, Paul donne désormais des ordres à ses doigts. En silence. Le pouce rose s'oppose à l'index formant une redoutable arme de préhension, creusée par une fossette à la racine de chaque doigt. Il tire les cheveux de sa mère, jette d'un geste délicat une croquette dans sa tasse de thé. Paul ne progresse que dans le silence. Jamais je n'ai autant réalisé son importance. Chez les enfants, les animaux, le silence et la souffrance savent se tenir face à face, droit et fier, chacun répercutant l'un, l'autre. Après le cri, toujours un silence, démesuré. La terre tourne silencieusement sur son axe, les océans sédimentent. Quelque part, un enfant soudain ouvre, ferme ses mains, un autre meurt. Au 25e jour de guerre, le printemps teignait les pâquerettes d'un rose doux, couleur chair ouverte. l'iris de Paul reflétait l'ombre de la maison qui penchait. « Da !» fit Paul au visage de la pâquerette qui lui souriait, entourée d'une collerette. Comme la fleur ne pouvait pas répondre, le chat non plus, je repris le « da » sur le même ton. Se sentant compris, Paul fendit sa figure d'un large sourire rouge carné, sans dents. Avec une précision militaire, il avança l'index et le pouce, en pince, arracha quelques pétales de la même taille que ses ongles, les porta à sa bouche, puis les avala. « Da !» répéta-t-il encore, et le recracha deux pétales. Soudain, la masse rose de Paul se ramassa entière dans ses rayures bleu marine. La bouche minuscule émit un autre « da », court, bref, signifiant « Enfin, te voici, chat !» ou « Tu es beau, toi, chat !» Le chat plissa ses yeux verts, l'air de dire « Je te connais, tu es mon admirateur !» Paul jeta un regard circulaire autour de lui, évaluant les distances, le possible à toucher, à goûter. Il voulait attraper le chat, lui tirer les poils. Ici, maintenant. Son regard devint fixe, intense. En signe de haute concentration, il tira la langue. Sa résolution parut dure, solide, éclatante, comme le soleil là-haut qui évaporait la rosée. 10 doigts pianotèrent l'air de convoitise. Poignets, chevilles exécutèrent des rotations que je n'avais jamais vues, tournant sur eux-mêmes, ce qui fit dessiner aux phalanges d'étranges arabesques. De haut en bas, de bas en haut, tout se coordonnait, lèvres, langues, chevilles, orteils liés, reliés, pour obéir à une seule injonction, un seul ordre, attraper le chat. Le chat, qui a pourtant deviné le mouvement, ne s'enfuit pas. Il se mit alors à ronronner un peu nerveusement, de façon sourde, comme il le faisait avec sa portée hurlante. Paul inclina son torse en avant, laissant couler un filet transparent de salive, tendit un bras. La main obéit enfin à l'avant-bras qui obéit à l'épaule. Aucun des mouvements n'était fluide mais parcouru de secousses, manquant de maturité nerveuse, comme si les segments de la main, de l'avant-bras et du bras étaient disjoints. Le bras de Paul, vêtu de sa peau seule, effleura la hanche poilue du chat. Sous l'esquisse du geste, le chat ne bougea pas. Ses yeux, pailletés d'or, verdirent davantage. Il se contenta de fouetter l'air de sa queue, de baisser un peu les oreilles. Soudain, il se mit à ronronner, lâchant, en fin d'expiration, une sorte de sifflement lui donnant la voix rauque d'un fumeur de pipe. Il glissa ses yeux de jade ourlés de noir, plaça sa tête entre ses pattes blanches, attendit, résigné, filant ce ronron bizarre. Je sentais ma propre tension aussi dure que celle du chat, car je redoutais le coup de griffe. Or, il n'en fut rien. Le chat domptait son irritation. Paul recommença. Encore. Chaque fois que sa main approchait la robe du chat, les yeux du chat viraient en dangereuse fente et il ronronnait toujours plus fort. Enfin, pourquoi le chat supportait-il ce tyran? Il n'ignorait pas qu'il possédait un avantage certain sur Paul immobile, car il pouvait s'enfuir à tout moment. Le chat tolérait Paul, voilà tout. J'eusse fait le même geste, effleuré de façon gauche son échine sensible, le chat, après un grand frisson nerveux, transformant sa colonne vertébrale en arête de poisson, aurait bondi, abandonnant sa place chaude sur l'herbe, ou m'aurait griffé. Les empreintes secrètes doivent exister dans la chair des bébés, comme dans les concavités des pétales, comme dans celles des graines qui se fendent sous terre. Je voulus savoir jusqu'où irait la relation entre eux. Si je ne pouvais pas empêcher les pétales et les bombes d'éclater, je pouvais seulement agir sur Paul, le chat et le mari restant des êtres incontrôlables, le chat par nature, le mari parce qu'il venait de s'arrêter de fumer. Alors j'asseyais Paul sur ses cuisses potelées, tout près du chat. Frères tous deux du même printemps, de la même guerre, les voilà à 10 centimètres l'un de l'autre. Le chat parut comprendre mon geste et me fixa de ses yeux verts un demi-sourire aux lèvres. Contre toute attente, Paul orienta les mains vers autre chose, l'extrémité de son corps, c'est-à-dire ses chaussettes blanches. Ces dernières, il ne les aimait guère, elles lui cachaient ses pieds. Il faut dire qu'ils étaient particulièrement beaux et roses, de vrais berlingots. Mais pour en profiter, il ne fallait pas de chaussettes, surtout pas de chaussettes. Alors il les ôta, ou plutôt les arracha, tirant sur leur extrémité comme il le faisait avec les brins d'herbe. Puis il les jeta à la tête du chat. À la façon noble du félin, il sut accueillir en offrande les minuscules tissus atterrissant sur sa tête. Paul fit pivoter le pied gauche, puis le droit, en poussant de petites bulles de salive extasiée. Ce qui devait arriver arriva. La plante du pied massa, plutôt laboura, le flanc droit du chat. La fente des pupilles devint lame. À peine le temps d'apercevoir l'éclair rose du palais, le chat mordit prestement le talon de Paul. L'œil de Paul resta étonnamment bleu. Il ne parut pas réagir. Gêne une seconde, guère plus. Il ne pleura pas, ou plutôt ne fit pas le lien entre son objet d'adoration et la morsure. Pourtant, sur son pied étaient inscrites nettement les dents du chat, sans que le sang ne perlât. Je me sentais terriblement coupable. Je tendis les mains vers Paul et... trop tard. Paul avait décidé de se servir de sa tête comme d'un bouclier affectueux, donnant un grand coup dans le ventre blanc. Le chat se mit alors sur le dos, dévoilant une aisselle blanche, une dangereuse patte en l'air. Contre toute attente, le chat mordilla la main de Paul, puis se recoucha dans l'herbe, ronronnant un « je commence à en avoir un peu assez ». Paul aurait dû pleurer, il grognait seulement. Il n'était pas conscient d'avoir été mordu par celui qu'il désirait tant. En cela, il était aussi innocent et bombé que les pétales tombés du magnolia. Je me demande. Si, je me demande bien, pourquoi choisir pour personnage principal un chat? Parce qu'il y a de l'humain en lui, et de l'animal dans cette guerre autour. Alors oui, quelque chose me plaît dans la détermination de Paul à vouloir attraper malgré tout un chat qui le mord. Car si je résume cette scène, un être vivant ne comprend pas que son voisin puisse lui faire du mal. Et son voisin va tolérer presque tout.